quand on y pense, ce rythme de vie me glace le sens. Abuser, continuer ou arrêter me passe devant, c'est pas rusé. Répéter 200 fois, rapper mais jamais 203. Comment garder le sang-froid, les 4 sur le banc des accusés. Sans foi ni loi, plus rien à perdre en sacrifice. Le rap sera mieux sans toi ni moi. C'est bien la merde sans quoi, sinon dis-moi fils, comment percer sans piston, sans artifice, sans toi ni roi. Marqué au fer rouge, ils m'ont saigné à blanc. Fallait pas le faire, il aurait juste suffi de me l'enseigner à temps. Ils arrivent en gloussant et que personne ne bouge. J'aurais pu te le faire sans le rouge, te les faire rougissant. Quand les soi-disant mettra bonde, soi-disant car je les sens à 100 mètres à la ronde. Je veux vivre un bon dimanche libre sans bon dimanche chaud, et n'avoir sans chaud que lorsque je brandis mon chibre. Ce qu'aime pas le froid, femme, là le peu de miel se compte. Parfois ce car frappe comme à la première seconde. Coincé dans les impasses, sans voix, mille sortes de larmes. À 10 de moins sympa, sans toi qui me sort de là. Il pourrait être 5 heures qu'on adopte sans la coupe. Tu pourrais mes vainqueurs comme d'autres sans la coupe. La révolte note sans la coupe, le fait est que le rêve est mort. Le note sans la coupe, infecté, perte et moche. L'alcool est mélangé, les fesses sans peu, ballot. Un trait d'anger, faisant deux, j'ai vu le panneau. Le naufrage de la barque n'est pas une romance. Bâtard peu glorieux, mon phrase marque pure commence. Que tout paye vite et si bon, c'est le jeu des messages. La bouteille est vide, ils ont jeté le message. De mes rats, personne viendra et la supera. Très rare, c'est pas ce qui paiera, nous sommes bien grâce. J'écris sur un brouillon, 16 mesures à vivre. Y'a des jours, j'suis bouillant, j'suis même dur à vivre. J'ai pas la pêche, mais ça va. Dès que j'froisse le sang, j'suis bouillant. J'garde la tête froide, bruyant. De la lave dans les veines, dis-moi on s'envole quand j'ai seum dans les gènes gros. J'ai pas la pêche mais ça va. Dès que je froisse le sang chaud, bouillant, je garde la tête froide. On a le sang chaud comme un parrain de la mafia calabraise. On va te la faire façon moyenâgeuse, donc on te marque à la braise. Quelle maladresse, revoir ses ambitions à la baisse. Le peuple gronde, Sarkozy parle pendant que Carla pèse. Sans centimes au fond du jeans, des amis que j'estime au fond du cœur. Car je suis centime au fond du Queens. J'avance en fil conducteur, en producteur. Pour vous j'y ai passé des heures, à mon support. Voici le sang du Christ. Parfois les mailles du filet cèdent, prendre la place qui précède. Pas le premier qui file essai. Tellement côtoyé de requins, je ferai le remake des dents de la mer. Bêtement soudoyé ce matin que je le flairais, mec t'es dans la merde. Demandez grâce, priez devant Notre-Dame de la Garde. Demandez-leur s'ils ne veulent pas le crâne de la garde. Sur mon blason, remplacer la clé par une hallebarde d'or. Dans le cœur, je garde la cicatrice comme Albator. J'ai fermé les poings plus d'une fois, goûté à la ceinture du bras. D'aller souiller la poisse maintes fois pour la voir repartir sur une page. J'ai de la colère dans mes veines, je me défoule dans mes rêves. D'abdomen à mes lèvres, j'en ai les marques et j'ai perdu tout sport. Je serai un jour peut-être beaucoup plus serein, mais je suis qu'un loup pour l'heure. Imprévisible comme on ne s'en fait qu'un tour. J'ai tous les vices normales que corbeau et tourni. Car n'oublie pas que chez nous, renard et fennec dans le peuple rodmi. Je viens du sud côté de la mer. J'aurais pu troquer ma chaîne de vie contre celle des autres pour ne plus avoir à supporter la mer. Je ferai du troll ma place. Tous les jours, je frôle l'attaque. Je porter la haine en soi quand on se retrouve un jour sans port d'attaque. J'ai le sang chaud, putain, capable de m'arracher un angle. Un seul regard et même raison pour pouvoir tabasser un homme. Je vais pas lâcher, je m'impose. Tu le sais, un pas t'arrête un homme. Méfie-toi, un type comme moi peut toujours en cacher un autre. Croyez que j'ai quelque chose qui va pas. Je vous trouve un peu maigre. Peut-être que je me défoule un peu trop dans mes rêves. J'écris sur un brouillon, 16 mesures à vivre. Y'a des jours je suis bouillant, je suis même dur à vivre. J'ai pas la pêche mais ça va. Dès que je froisse le sang, je bouillant. Je garde la tête froide, bruyant. De la lave dans les veines, dis-moi on s'envole quand j'ai seum dans les gènes gros. J'ai pas la pêche mais ça va. Dès que je froisse le sang chaud, bouillant. Je garde la tête froide. J'écris sur un brouillon, 16 mesures à vivre. Y'a des jours je suis bouillant, je suis même dur à vivre. J'ai pas la pêche mais ça va. Dès que je froisse le sang chaud, bouillant. Je garde la tête froide, bruyant. De la lave dans les veines, dis-moi on s'envole quand j'ai seum dans les gènes gros. J'ai pas la pêche mais ça va. Dès que je froisse le sang chaud, bouillant. Je garde la